L'avant-première des offres du Vendredi fou est en cours chez Mondou. Épargnez jusqu'à 10$ sur la nourriture sèche Origin Amazing Grains, format sélectionné pour chiens. Faites vite, l'offre est valide jusqu'au 19 novembre en magasin ou au mondou.com. Chez Desjardins Assurance, vous pouvez assurer votre auto en ligne. Et c'est super simple. Ah ouais? Et ils ont de l'expérience. Plus de 80 ans. Ça change quoi? Bien, imaginez si votre enfant faisait des bricolages tous les jours depuis 80 ans. Regarde, papa. Ah, t'as fait une fusée. Grande comme la maison. Puis elle vole. Vous voyez? Ouais, c'est vrai qu'ils doivent être bons. Desjardins Assurance. C'est pas d'hier qu'on assure. Et ça, ça rassure. Certaines conditions, exclusions et limitations peuvent s'appliquer. Je cherche des pneus. Ben pour tes pneus, c'est Chemiakin Auto V1 Pneus et Mécanique. Ils font aussi des réparations? Ben oui, Chemiakin Auto, c'est la place. Angle Amel et Robert Bourassa. À Québec, au 98.9. Sur iHeartRadio. Le rock vit ici. Plus de classiques. Des classiques immortels. Classique. Un show sans filtre. Le rock vit ici. L'unique show 100% rock en ville. The Rock Show. Avec Phil Branch. Comment ça va? Bon vendredi d'Halloween. J'espère que vous allez bien. C'est parti pour 90 minutes de musique qui fait peur. Non, de rock. De rock. On va s'amuser avec le Rock Show, ce show qui est unique et que vous aimez tant à la grandeur du Québec. Salutations à tous ceux et celles qui vont partir ou qui viennent de partir là, pour la petite corvée d'Halloween. Soyez prudents, OK? Et si vous vous promenez dans la rue, là, il faut aller rejoindre les enfants, vous êtes en retard. Roulez pas trop vite en direction de la maison. Il y a des enfants vraiment partout et on veut que ça se passe bien. Dans les prochaines minutes, j'aurai pour vous du Jack White, Limp Bizkit avec Rollins, c'est tellement bon, Evanescence, on aura du Mammouth également, mais pour l'instant, je savais même pas, j'ai appris ça moi hier, que Muse avait lancé, il y a une couple d'années, une toune d'Halloween qui s'appelle You Make Me Feel Like It's Halloween. C'est une toune d'Halloween. Il y a moins Halloween dedans. On parle le rock show avec ça ce soir sur Énergie. You got me checking my mirror. You make me feel like I'm on the run. Where'd you hide the gun? The kitchen knife in your hand. Are you the poison? Are you the cure? I'm not so sure. I'm a shackle. There is no way I can escape. When you turn off the lights, you make me feel like it's Halloween. When you smoke on the house, you make me feel like it's Halloween. Halloween, it's Halloween, Halloween. You cut me off from my friends, you cut me off from my family. I'm in misery. Each day I fall to my knees, I see the writing is on the wall. Now I'm in withdrawal. Feel like it's Halloween. Halloween, it's Halloween. Halloween. When you smoke around the house, you make me feel like it's Halloween. Halloween, it's Halloween. Halloween. Halloween. Phil Branch. Le Rock Show. Que du rock, juste du rock. Rock, amplifié par énergie. Placez votre demande pour le TPA Game du vendredi. Je veux pas vous influencer, mais c'est l'Halloween. Fait que ce serait le fun de trouver un hit qui fait peur. Textez-moi sur la messagerie texte au 6-12-12. Limbiskit s'en vient dans les prochaines minutes avec Roland. Mais pour l'instant, ce groupe-là était de passage à Montréal. Il y a quoi? Il y a deux semaines, à peu près jour pour jour. Voici les excellents Mumford & Sons et I Will Wait sur Énergie. Like home, like a stone, and I feel to your arms. These days of darkness, which we've known, will blow away with this new sun. For you.

rolling, rolling, rolling, rolling. Keep rolling, rolling, rolling, rolling. Keep rolling, rolling, rolling, rolling. T'es pas game, Phil. Bonne chance, mon vieux. Salut, Samuel Parent. Merci pour ta demande spéciale au 6-12-12. Carlo, également de Val-des-Bois. Merci pour ta demande. Thomas Savoie, qui est là, qui m'écoute bien, bien fort. La musique est écœurante. Les enfants viennent sonner à la porte pour des bonbons. J'aime tout là-dedans. Ah, pour le T-Pa Game, j'ai pas eu le choix. Je vous ai un peu influencé, mais c'est ça que je voulais entendre. Vous savez, une toune de Slipknot. Oui! Oh, on tourne sur l'album 3, volume 3. Voici Duality Slipknot dans le Rock Show en cette soirée d'Halloween sur Énergie. I push my fingers into my veins. It's the only thing that slowly stops the ache. But it's made of all the things I have to take. I've waited as my time's elapsed. Now all I do is live with so much fate. I've wished for this, I've bitched at that. I've left behind this little fact. You cannot kill what you did not create. I've gotta say what I've gotta say, and then I swear I'll go away. But I can't promise you'll enjoy the noise. I guess I'll save the best for last. My future seems like one big past. You're left with me, cause you left me no choice. I push my fingers into my or separate the skin from bone, leave me all the pieces, then you can leave.

chair, tout m'exaspère, mais plus j'en parle, plus ça me libère. Tellement de rêves que j'ai eu hier soir, la goutte qui fait déborder le verre. Un instant de mouche a rencontré sa destinée, le flash sur mon miroir. Ouais! The Rock Show. Le Rock Show. C'est bon, c'est cœur, hein? J'adore la musique de Groovy Hot Varg et dérangeant. C'est le Rock Show à la grandeur du Québec. Mon nom est Phil Branch. Je suis bien content d'être là ce soir, vous le savez. Je vous rappelle d'être prudent dans vos déplacements si vous arrivez dans des quartiers résidentiels, si c'est soirée d'Halloween. Je sais pas, la météo a de l'air de quoi. Il y a des endroits où il pleut, d'autres endroits où ils sont plus chanceux. Il fait beau présentement, mais il n'y a pas de pluie. On sait jamais entre deux chars un enfant qui peut sortir. Je le dis, là, parce que des fois, on l'oublie. On est dans notre soirée. Moi, ah oui, c'est vrai, c'est là Halloween. T'sais, on n'est pas dedans. Et juste, hey, une personne prévenue en vaut deux. C'est ce que ma mère m'a toujours dit. Donc voilà, soyez prudents. Salut à Rosalie. Allô, je veux dire salut à Vince également. Merci pour ton texto. Il y a Yves Bordelot qui est à l'écoute ce soir du Rock Show, le meilleur show rock au monde. Au retour, on s'offre la Canadienne Alanis Morissette. And in my pocket. Is that it? C'est intense. Attends de voir ce qui s'en vient. Le Rock Show. Énergie. Le 98.9 Énergie vous offre vos places pour le show de l'été 2026. Luke Combs et ses invités seront au parc Jean-Drapeau de Montréal les 29 et 30 mai prochains et Énergie à vos places. Rendez-vous dans la section concours du radioénergie.ca pour participer. Vous faire vivre les plus gros shows, c'est un classique. 98.9 Énergie. C'est mouillé, mais c'est fluide sur le réseau ce soir. L'heure de pointe est terminée. Pompierre Laporte, direction nord et sud, c'est bien par Henri IV et Duplessis. Sur la rive sud de Lavin, dans les deux directions, il n'y a pas de problème. L'autoroute de la capitale, direction est et ouest, c'est fluide. Boulevard Charest, il n'y a plus de problème à ce point-ci. À Bracevaux, un vaccin contre le VRS, 60 ans ou plus. Parlez d'Abracevaux, de Pfizer, à votre professionnel de la santé. Visitez abracevaux.ca. Je cherche des pneus. Ben pour tes pneus, c'est chez Miakin, Auto V1, pneus et mécanique. Ils font aussi des réparations? Ben oui, chez Miakin Auto, c'est la place. Angle Amel et Robert Bourassa. Le solde dans tout le magasin de l'équipeur est en cours. Jusqu'au 2 novembre, obtenez un rabais additionnel de 25% dans tout le magasin et économisez jusqu'à 60% sur les aubaines à tout casser. Visitez l'équipeur ou à l'équipeur.com. Prix des aubaines à tout casser tel qu'indiqué. Tous les soirs, le Phoenix s'enflamme. Chansonnier en direct. Ambiance festive. Table de billard et énergie contagieuse au cœur de Québec, dans le quartier Saint-Roch. Et le jeudi, on pousse la fête encore plus loin. Avec nos ailes fumées et nos huîtres fraîches à seulement 1$ chacune. Réservez dès maintenant sur phoenixduparvis.com pour tous les groupes de 2 à 750 personnes. Le Phoenix, l'endroit où chaque soir est une célébration. Chérie, peux-tu aller porter Léa son rendez-vous demain à la clinique podiatrique Val-Bélair? Ouh! Clinique podiatrique Val-Bélair. Elle me dit qu'elle a mal au talon, puis je trouve qu'elle marche vers l'intérieur. Ah, oh, t'aurais dû me le dire. Je dois boire un podiatre pour renouveler mes orthèses. Ben, hein? Je pense que j'ai un ongle incarné. Bon, OK. Je vais prendre rendez-vous pour tout le monde. À la clinique podiatrique Val-Bélair, on prend soin de vos pieds et de ceux de vos proches avec rigueur et empathie. Venez nous rencontrer au 1787 Avenue Industrielle à Val-Bélair. L'avant-première des offres du Vendredi fou est en cours chez Mondou. Profitez de 50% de rabais sur votre deuxième article parmi les gâteries, jouets et accessoires sélectionnés. Jusqu'au 19 novembre, en magasin ou au mondou.com. Vous êtes fait fort, mais les virus de la grippe et de la COVID-19 aussi. C'est important de vous faire vacciner, surtout si vous vivez avec le diabète, un système immunitaire affaibli ou une maladie du cœur, des poumons, ou des reins, si vous êtes enceinte ou si vous avez 65 ans et plus. Dans ces cas, vous êtes plus à risque de complications graves face à ces virus. Pour plus d'informations et pour prendre rendez-vous, visitez québec.ca/campagne-vaccination. La vaccination, c'est la meilleure protection. Un message du gouvernement du Québec. Obtenez le nouveau forfait Disney Plus et Crave à un prix incroyable à partir de $15.75 par mois. Regardez des histoires épiques telles que Alien Terre et Thunderbolts sur Disney Plus. Notre groupe pourrait être incroyable. Sur Crave, voyez la reconstruction au cœur des Canadiens de Montréal et la série à succès Empathie. Et voilà! Obtenez-en plus pour moins avec le forfait Disney Plus et Crave à partir de $15.75 par mois. Visitez le forfait DisneyPlusCrave.ca pour plus de détails. Jour 12, toujours aucun Wi-Fi. Je pensais avoir entendu un bip, mais c'était mon micro-ondes. Jour 47, enfin une barre. Mais c'était une barre tendre. T'as pas à vivre une épopée pour trouver un bon Wi-Fi. L'Internet fibre 500 Mbps par seconde à $50 par mois de e-box, ça te prend ça. Vous avez des dettes qui vous étouffent, des paiements en retard, du stress qui pèse sur vous et sur tous vos proches. Chez Roy Métivier Roberge, on comprend et surtout, on a des solutions. Avec la proposition de consommateur, vous pourriez réduire vos dettes jusqu'à 80 % sans intérêt avec des paiements adaptés à votre budget. Notre équipe, humaine, à l'écoute et sans jugement. Prenez rendez-vous en 24 heures et obtenez deux consultations gratuites et confidentielles. Roy Métivier Roberge, syndic autorisé en insolvabilité. rmrsyndic.com. On pourrait utiliser ce message pour vous inviter à venir réseauter, célébrer la crème des communications et vivre une 30e édition de Format libre au manège militaire. Mais on a décidé de prendre ce temps d'antenne pour vous inviter à faire un don à Centraide Québec et Chaudière-Appalaches. Que vous soyez des nôtres le 20 novembre prochain ou non, vous pouvez faire une différence. Donnez sur formatlibre.ca. Une initiative d'immédiat présentée par IGA des sources et des chaînes, gestion privée de RBC Dominion, valeur mobilière. Vous cherchez à vendre ou acheter? Faites confiance à Dominique Lejeune, courtier immobilier chez Via Capital Select. Plus de 11 ans d'expérience, plus de 1000 transactions réalisées. Une vraie valeur sûre. Avec Dom, c'est simple, efficace et toujours humain. 418-456-7010. À Québec, sur iHeartRadio. Vivez vos samedis et dimanches avec énergie et les plus gros classiques. Dès 11h, place au rendez-vous de la fin de semaine. Week-end énergie. Plus de classiques. Plus de fun. 98.9. Énergie. I'm broke, but I'm happy. I'm poor, but I'm kind. I'm short, but I'm healthy, yeah. I'm high, but I'm grounded. I'm sane, but I'm overwhelmed. I'm lost, but I'm hopeful, baby. And what it all comes down to is that every man's gotta be fine, fine, fine. 'Cause I've got I'm pretty, baby. And what it all was. step closer and you want my leave me no choice. Burned into mind, I'm going in for the kill. This world. Yes. qui vient d'être nourri. J'ai le cœur à l'argent et je compte le temps, car le temps c'est mon pire ennemi. Grande soirée, j'essaie de m'amuser, mais le papillon me serre le cou. On échange des cartes comme les diplomates, je te donne Théo contre Koivu. Merci de faire confiance au Rock Show pour commencer votre week-end. Bien content d'être là, mon nom est Phil Branch. Grosse game ce soir, Blue Jays de Toronto contre, bien sûr, les Dodgers de Los Angeles. On pourrait repartir ce soir avec des grands honneurs, la Série mondiale. Jean-Luc Legendre, journaliste ici à Énergie, est sur place. Il va peut-être vivre un moment historique. Écoute, on va le souhaiter. On va le souhaiter. Je ne sais pas si vous allez regarder ça après la soirée d'Halloween. Moi, c'est sûr, là, je dis à ma blonde, là, 8 heures, on est dans la maison, là, on regarde la game, on trie bonbons et that's it, là. J'ai vraiment, vraiment hâte. Je suis devenu fan dans les derniers jours de base. Je vous dis, je suis un faux fan. Je n'ai pas suivi toute la saison, mais là, ça me fait plaisir. Au retour de la pause des segments 1, 2, 3 Punk, c'est le groupe Fire Inside, AFI. Je me souviens la première fois que je les ai vus en spectacle. Vans Warped Tour 2001. C'est comme, quelle bébite, ce chanteur-là. Davey Ovoc, sur scène, qui est vraiment charismatique, mais qui est pété complètement. Et il y a de ça une dizaine d'années, on l'avait pressenti pour remplacer Gwen Stefani pour chanter dans No Doubt. Il y avait eu 2-3 apparitions, puis finalement, la colle n'avait jamais pogné. Il est retourné avec AFI. Si vous êtes fan de AFI, le nouvel album qui a été lancé il y a à peu près 3-4 semaines, allez écouter ça, c'est vraiment, vraiment bon. En cette soirée d'Halloween, au retour, AFI et Miss Murder. Qui font trembler la ville. L'épicentre. l'antre du rock est ici. Le Rock Show. Énergie. Ready. Chaque semaine, restez dans l'action avec le podcast Rudesse Excessive. Il réussit à performer peu importe qui lance. Une des raisons pourquoi Jimmy G n'a pas d'argent, c'est qu'elle cache volé là. Rudesse Excessive vous promet un solide kick-off avec un nouvel épisode disponible tous les vendredis à midi. Les gros jeux vont tous passer par lui. Oui, ça passe tous par lui. Une présentation de XPN. Peu importe le sport que vous pratiquez, XPN a le produit qu'il vous faut pour optimiser vos performances. XPNworld.com. Le balado Rudesse Excessive, disponible sur l'application iHeartRadio et à iHeartRadio.ca. Bien, sur le réseau ce soir, Pompierre Laporte, direction nord et sud, il n'y a pas de problème. Henri IV par Duplessis, l'autoroute de la capitale, c'est fluide. On a du volume, mais ça bouge. Boulevard Charest, c'est bien ce soir. Et sur la rive sud, il n'y a pas de problème. La 20 dans les deux directions, c'est fluide. De 50 ans ou plus, parlez avec le professionnel de la santé de Prevnar 20, un vaccin contre la pneumonie à pneumocoque. Visitez prevnar20.ca. À quel point votre musique est-elle importante pour vous? Aussi importante que de respirer. Après un incident sur scène, le pianiste Daniel Major sombre dans l'incompréhension la plus totale. Je suis plus capable de jouer. Ça fait un bout que tu devrais être suivi par un psy. Et sa quête de réponse fait rejaillir un passé profondément enfoui. Faut me faire confiance, monsieur Major. Je sais ce que je fais. Il y a un monstre en dedans de toi, man. Mesdames et messieurs, le prodigieux Daniel Major! Dérive, une nouvelle série originale Crave à regarder dès le 13 novembre. C'est bon en Crave. Hey, vous savez pas quoi? Provision Saint-Odile t'offre la caisse de 12 canettes de Bud et Bud Light à seulement 17,99. Oui, s'en fout de même. Passe aussi voir leur grand choix de bières de microbrasserie. Provision Saint-Odile, 137 des chaînes Ouest, Québec, à deux pas du Colisée. L'avant-première des offres du Vendredi fou est en cours chez Mondou. Épargnez jusqu'à 10$ sur la nourriture sèche Origin Amazing Grains, format sélectionné pour chiens. Faites vite, l'offre est valide jusqu'au 19 novembre en magasin ou au mondou.com. Cet automne, la Grande Allée s'illumine et l'atelier t'attend. Pour un lunch, un apéro ou une soirée qui se prolonge, c'est la destination pour manger, boire et célébrer. Tartare, cocktail, ambiance festive, prochaine sortie, Grande Allée. Réserve dès maintenant sur bistrolatelier.com. Jour 12, toujours aucun Wi-Fi. J'aurais tellement dû m'abonner à iBox. Mon modem clignote en morse. Il m'envoie peut-être un message d'adieu. Jour 22, je me suis fabriqué une antenne avec une passoire puis un cintre. Ça n'a pas marché. Jour 29, je pensais avoir entendu un bip. C'était mon micro-ondes. Déception. Jour 47, j'ai enfin trouvé une barre. Mais c'était une barre tendre. T'as pas à vivre une épopée pour trouver un bon Wi-Fi. L'Internet fibre 500 mégabits par seconde à 50$ par mois de e-box. Ça te prend ça? Je pense que ton muffler est fini. Hein? Ton muffler! Quoi? J'entends pas, j'ai une oreille de boucher puis mon muffler est fini. Économisez sur vos assurances en changeant pour Bel Air Direct et faites enfin réparer votre silencieux. Bel Air Direct. L'assurance simplifiée. Des conditions s'appliquent. Cette semaine, chez Métro, pour l'Halloween, c'est le temps d'économiser sur plus de 7500 produits en magasin et en ligne. Le bœuf haché maigre au format économique est à 4,99 la livre ou 11$ le kilo. Le sac de 3 litres de clémentine est à 2,97, ce qui revient à 99 sous la livre. Et la douzaine d'œufs blancs sélection est à 2,99. C'est tellement pas cher que ça donne la chair de poule. Retrouvez toute la circulaire complète en ligne au métro.ca. Des conditions s'appliquent. Détails en magasin. Au 98.9. Sur iHeartRadio. À Québec. Le rock vit ici. Plus de classiques. Plus de rock. Plus de fun. 98.9. just crash, won't pass. Oh, how they all looked on him. Beauty will last. Believer. punishment. And you're the master, and I am waiting for disaster. I'm feeling rational, so confrontational. Too badly drunk I am, getting away with murder. It is impossible to never tell the truth, but the reality is I'm getting away with murder. I drink my drink and I don't even want to. I think my thoughts when I don't even need to. I never look back cause I don't even want to. And I don't need to, because I'm getting away with murder. I'm feeling rational, so confrontational. To tell the truth I am getting away with murder. Déjà terminé pour cette dernière édition de la semaine du Rock Show. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci pour vos textos. Il reste encore des enfants dans les rues. Soyez prudents à cette soirée d'Halloween. On va se retrouver lundi à compter de 13h. Passez un bon week-end sur Énergie. La musique va être écœurante demain matin à compter de 9h. Shelly va être là en remplacement de Mike Gauthier. Mike, dont la santé va quand même bien. Je lui ai parlé dans les derniers jours et ça se passe bien pour lui. Au retour, on termine le rock show avec le maître de l'épouvante. C'est Rob Zombie et Dragula. Go, Jays, go! Au retour, que du rock. Toujours du rock. Le rock show. Énergie. Si chaque classique te rappelle un char, un road trip ou une soirée qui a dérapé, t'es à la bonne place. Le week-end. Que des classiques, juste des classiques. Monte le son, Énergie s'occupe du reste. Les week-ends d'Énergie, demain, 11h. Énergie. Obtenez 20 000 points chez Pharmaprix lorsque vous ouvrez votre appli PC Optimum. Magasinez, scannez et accumulez des points. Une valeur de 20 $ dès aujourd'hui. Conditions dans l'appli. Chez Dormez-vous, on sait qu'au vendredi fou, il faut faire des choix. Par exemple, vous pouvez investir dans une autre télé, mais la qualité d'image est-elle aussi bonne que dans vos rêves? Ou un ordinateur neuf, mais côté recharge de batterie, est-ce que ça bat une bonne nuit de sommeil? Bref, vous pouvez penser techno ou penser dodo, vous dormirez là-dessus. C'est le vendredi fou chez Dormez-vous. Obtenez jusqu'à 1300 $ de rabais sur les matelas Kingsdown. Seulement chez Dormez-vous. Des conditions s'appliquent pour un temps limité. Bienvenue aux rougeurs soudaines, au feu sauvage, au je me suis brûlée en faisant souper, aïe, au reflux, aux drôles de démangeaisons, à l'eczéma, aux hémorroïdes, aux infections urinaires, aux vaginites, aux conjonctivites. Bienvenue aux imprévus de la vie. Bienvenue chez Uniprix. Pour vous aider à gérer certaines conditions mineures et même vous prescrire un traitement, vos pharmaciennes famille affiliées à Uniprix sont là. Consultez-les. Les pharmaciens sont les seuls responsables de l'exercice de la pharmacie. Certaines conditions s'appliquent. Bon, ce matin, vous réalisez quelque chose. Oui. Votre auto s'est fait voler. Avez-vous besoin de ça? Non. La situation se moque de vos besoins. D'accord. Vous êtes donc moqué. Et sans voiture. Oui. Alors vous appelez CA parce qu'ils assurent votre auto et vous aident dans les pires moments. Génial. Mais pendant que vous parlez à CA, oui. Vous réalisez quelque chose. Oui. Vous avez besoin de vacances. Oui. Des vacances où les gens vivent d'amour et d'eau fraîche. Oui. Et non de vol d'auto et d'eau de robinet. Oui, c'est possible. Vous en parlez donc à votre conseiller CA parce que CA organise les meilleurs voyage. Génial. Du voyage à l'assurance, pour le meilleur et pour le pire, c'est à Québec. Scores dévoile son petit côté croustillant. Pour un temps limité, osez goûter à notre nouveau poulet frit croustillant, à nos appétissantes frites gaufrées aux épices cajun, ou succomber à notre alléchante poutine au poulet frit, toujours plus croustillant chez Scores. Chez XPN, on ne fait pas de compromis sur la qualité. Que ce soit pour la performance, la récupération ou simplement prendre soin de ta santé, chaque produit est conçu avec des ingrédients rigoureux, des formules efficaces et 100% transparents. Protéines, électrolytes, probiotiques, vitamines. Tu veux des résultats réels? Fais confiance à une entreprise d'ici, bâtie par des passionnés, pour des passionnés. Repousse tes limites avec XPN. Disponible en magasin, au gym ou sur xpnworld.com. L'avant-première des offres du Vendredi fou est en cours chez Mondou. Profitez de 50% de rabais sur votre deuxième article parmi les gâteries, jouets et accessoires sélectionnés. Jusqu'au 19 novembre, en magasin ou au mondou.com. Visitez shopico.ca pour économiser gros sur des offres formidables. Par exemple... Profitez de l'automne avec Shopico. Détendez-vous au Strom Spa Québec. Découvrez la brasserie La Baraque. Offrez-vous un soin à la clinique MP Medic. Et rafraîchissez votre garde-robe avec la boutique Horizon Golf. Vous voulez offrir quelque chose d'original? Optez pour une carte cadeau Shopico et laissez chacun choisir ce qui lui plaît. Shopico.ca. Pour votre party de Noël, vivez l'aventure avec votre gang chez Défi Évasion. Nos jeux d'évasion vous rassemblent dans des scénarios immersifs et festifs. Du fun, des énigmes et des souvenirs inoubliables. Réservez maintenant au défi-évasion.com. À Québec. À Québec. Sur iHeartRadio. Les samedis et dimanches 9h, faites-le plein de classiques et d'anecdotes savoureuses avec Chili dans Stéréo Mike. Plus de classiques. 98.9. 9. En soirée. Énergie, énergie le soir. Plus de classiques, plus de fun. Encore le matin d'une courte nuit. Je me lève, je me branche. Et le monde est parti. Y'a pas juste le café qui goûte à mort. Pas juste le choc qui veut rien savoir. Ouais, ça caille et c'est con et c'est fade en calvaire. Autour de moi, la vie vole en éclats. Je traverse ce miroir où je ne me reconnais pas parfois. Je marche à côté de moi, j'essaie de semer mon ombre et je marche comme on tombe. mauvaise nuit. Je me lève et la pluie m'envoie au tapis. Y'a pas juste les nouvelles qui jettent à terre. Y'a pas juste le temps qui t'envoie. Ouais, ça caille et c'est con et c'est pas dans le calme. Autour de moi, la vie vole en éclats. Je traverse ce miroir où je ne me reconnais pas parfois. Je marche à côté de moi, j'essaie de semer mon ombre et je marche comme on tombe. Hey, oh, oh, ma vie vole en éclats. Je traverse ce miroir où je ne me reconnais pas. Hey, hey, oh, oh, oh, mon cœur à côté de moi, j'essaie de semer mon ombre et je marche comme on tombe. Classique. Plus de fun. Même en soirée. Énergie le soir. Énergie. Chaque vendredi, à la Loterie sociale 7 de cœur, des milliers de dollars à gagner. Tentez votre chance et faites la différence. Achetez vos billets maintenant au loto7decoeur.ca. Jacob réalise un rêve. Participer à Big Brother. Oh! Je serai le premier gagnant de Big Brother Québec. Seul problème, Jacob, Big Brother Québec n'existe pas. Tout ça est fake. Les autres participants sont tous des comédiens. J'ai perdu et c'est exactement ce pourquoi on m'a engagé. Tout est prévu d'avance pour créer le plus gros prank de la télé québécoise. On est allé trop loin. Big Brother, le piège. On est dans la maison des fous. Là. À regarder maintenant, c'est bon en crave. Après les lunchs, le soccer, puis le ménage, ben j'ai mon voyage. Puis ça tombe bien, parce que Super C t'accueille à bord du concours J'ai mon voyage. Cours la chance de gagner l'un des 5 crédits voyage de 10 000 $ Pour embarquer, t'as juste à acheter un produit participant puis présenter ta carte moi à la caisse ou en ligne. C'est le temps de troquer la boîte à lunch pour la valise. Puis manque pas ton vol, le concours prend fin le 19 novembre. Aucun achat requis, 18 ans et plus, détails et conditions au superc.ca. Hey, c'est super, Super C. Chez SFL, on est un réseau de conseillers indépendants en gestion de patrimoine. Tous les patrimoines. Ça, un patrimoine, c'est l'ensemble de vos biens et de votre argent, entre autres. Et on s'occupe de gérer les gros patrimoines qui s'accumulent depuis des années. Tout comme les petits patrimoines qu'on commence à bâtir. Alors que ce soit pour vos placements, vos finances, vos assurances ou votre entreprise, le futur se planifie plus facilement quand on y pense dès maintenant. SFL, gestion de patrimoine. Découvrez-nous au sfl.ca. L'avant-première des offres du Vendredi fou est en cours chez Mondou. Profitez de 50 % de rabais sur votre deuxième article parmi les gâteries, jouets et accessoires sélectionnés. Jusqu'au 19 novembre, en magasin ou au mondou.com. Quand on roule dans un milieu de vie, il y a du monde à pied, en auto, en vélo, en camion. Bref, c'est important d'adapter sa conduite. Effectivement, Mme Levac. C'est pourquoi je ralentis, je reste attentive et j'évite les distractions telles que le téléphone cellulaire ou l'écran tactile de mon véhicule. Wow, réponse parfaite. Avec un Mme Levac en plus, coudon, avez-vous des défauts, vous? Il m'arrive d'oublier les noms, Mme Lévesque. Ah, pas grave. Vous protégez les usagers vulnérables dans les milieux de vie. Merci, Mme Laflaque. Ah, ben oui, toi, c'est étonnant. La sécurité routière, j'embarque. Un message du gouvernement du Québec. Monopoly joué deux fois et de retour chez McDo. OK, Oli, on va se pratiquer à gagner. OK. Mettons que tu viens de gagner 25 000 $ Wow! Non, j'ai dit 25 000 $ Ben non! Bon, là, on jase. Puis là, si je te dis que t'as gagné une Corvette neuve. Je pense qu'Oli s'est évanoui. Incroyable. Détaché sur l'emballage et dans l'appli avec Monopoly joué deux fois chez McDo. Jusqu'à épuisement des stocks. Une chance sur cinq de gagner des prix avec les pièces de jeu au début du jeu. Les chances de gagner des prix joués deux fois dépendent du nombre de participations reçues à chaque tirage. Prix en argent payable par virement électronique. Voir le règlement dans l'appli. Salut Québec, c'est Mike Baudouin. Je présente la première médiatique de mon deuxième one-man show acharné à la salle Albert-Rousseau le 4 novembre prochain. C'est le temps d'acheter tes billets, surtout si tu me connais pas, puis tu veux savoir c'est qui ce humoriste-là, quels les moyens de se payer une pub à radio. Tous tes billets sont au mikebaudouin.ca. On se voit le 4 novembre. Énergie le soir, les plus gros classiques pour faire plaisir à vos oreilles. Énergie. Perdu dans le désir, enviant le plaisir, je vois cette femme troublante qui m'enflamme. Elle est plantée debout. Me brûle d'envie dans le même décor. À la pleine lune du jour, elle joue tous ses atouts. Un business de caresse, cuisse de maîtresse. Je suis en détresse. Marche envoûtante, chevelure féline, chaleur intime. Une beauté mise à nu, elle pose dans la rue. Charme désarmant, un désir affolant. Une bouche de rêve, je ressens un malaise. Son rouge à lèvres me brûle d'envie. Mais qu'est-ce qui m'a arrive, plaisir d'en faire. Soirée avec énergie, c'est un classique. Énergie le soir. Énergie. Sur la chaise longue avec mon matin. Le jour s'éteint. Sous la pergola, je me promène autour de ma piscine en terre. Et je fais semblant d'avoir quelque chose à faire. Je me promène autour de ma piscine en terre. Et je fais semblant d'avoir quelque chose à faire. J'aimerais tellement que tu me vois avoir l'air de faire. Mais juste avant que tu sortes derrière chez toi, je pose mon margarita al dente sur mon patio crescendo sulla pergola. Hey, je me promène autour de ma piscine. Et je fais semblant d'avoir quelque chose à faire. Je me promène autour de ma piscine en terre. Et je fais semblant d'avoir quelque chose à faire. Et je me tirant à elle. Je me fous de me barrer le dos pour dormir avec elle. On comprend mieux qu'avant les envies, les projets. On voit plus loin, on dit plus toujours ni jamais. On sait où ce qu'on s'en va depuis qu'on sait qu'on a ce qu'on veut. On sait qu'on est rendu quand on a tout ce qu'on a voulu. Ah ah. Se reprendre la ligne du multiverse qu'on a choisi de prendre. Une version plus heureuse de ce qu'on pensait comprendre. On se déprend mieux, on écoute plus tout ce qu'on entend. On voit plus qu'un sans chercher pourquoi ni comment. On sait où ce qu'on s'en va depuis qu'on sait qu'on a ce qu'on veut. On sait qu'on est rendu quand on a tout ce qu'on a. Planifier nos noces avec nos pousses, nos selles. Checker qui on invite, puis qui c'est qu'on cancelle. On cherche plus à complaire quand on s'aime au complet. On voit plus loin, on dit pour toujours à jamais. On sait où ce qu'on s'en va depuis qu'on sait qu'on a ce qu'on veut. On a tout ce qu'on a voulu. On sait où ce qu'on s'en va depuis qu'on sait qu'on a ce qu'on veut. On sait qu'on est rendu quand on a tout. Entre les têtes en gigue et les cœurs à la java, les jours que je gaspille, ils ne reviendront pas. Entre le bonheur des autres et puis les nuages dans ma cour, je veux pas savoir à qui la faute. Je veux juste que ce soit mon tour. Je veux de la vie en direct, pas juste derrière mes paupières. Je veux de la lumière de comète pour réchauffer l'hiver. Je veux rire en pleurer et puis pleurer de rire. Me croire arriver pour encore repartir. Je veux des yeux étincelles, de la musique sur la langue. Je veux décorer le réel pour qu'enfin il me ressemble. Puisque la vie nous tue chaque jour à petite dose. Non, c'est clair, je ne veux plus d'un présent monochrome. J'embrasse l'ivresse, sans gêne sur la bouche. Et puis je mords le temps qui reste, puisqu'il est à mes trousses. Non, je n'ai plus peur des histoires qu'on raconte. S'il existe le vrai malheur, qu'il vienne, nous ferons nos comptes. Je veux de la peine en dormance et des souvenirs en continu. Je veux marcher comme d'autres dansent, me retrouver à corps perdu. La pénombre dans ma tête ne demande qu'à éclater. Je lui promets des jours de fête et du bonheur à emporter. Pour que le noir se consume, que la lumière me bouscule et qu'elle éclaire tout ça. ce qui s'allume. J'ai la tête en gigue et puis le cœur à la java. Mes sourires se distillent sur les visages devant moi. Entre maintenant et demain, il y a tant d'éternité. Je tiens le bonheur par la main et je ne vais plus l'échapper. Demain à mon réveil, je serai rendu vieux. En attendant, le jour se lève et brille à m'allumer les yeux. Pour gagner vos places et vivre toujours plus de rock grâce au 98.9 Énergie. Chaque vendredi, à la Loterie sociale 7 de cœur, des milliers de dollars à gagner. Tentez votre chance et faites la différence. Achetez vos billets maintenant au loto7decoeur.ca. Cet automne, la Grande Allée s'illumine et l'atelier t'attend. Pour un lunch, un apéro ou une soirée qui se prolonge, c'est la destination pour manger, boire et célébrer. Tartare, cocktail, ambiance festive, prochaine sortie, Grande Allée. Réserve dès maintenant sur bistrolatelier.com. Ça, c'est un client qui magasine un sectionnel. Je me demande si c'est la bonne dimension pour le salon. Et ça, c'est un client qui magasine un sectionnel chez Gagnon Frères. Je me demande si c'est la bonne dimension pour le salon. Lui, vous pouvez le configurer comme vous voulez. Super! Puis, est-ce qu'il se fait dans d'autres couleurs? Absolument. On va regarder ça ensemble. La différence est dans le service et dans vos poches. Gagnon Frères. Bien commode depuis 1904. L'avant-première des offres du Vendredi fou est en cours chez Mondou. Épargnez jusqu'à 10$ sur la nourriture sèche Origin Amazing Grains, format sélectionné pour chiens. Faites vite, l'offre est valide jusqu'au 19 novembre en magasin ou au mondou.com. L'information locale est essentielle. Elle contribue au maintien d'une saine démocratie. Pour savoir ce qui se passe chez vous, pour prendre des décisions éclairées, vous devez avoir accès à une information fiable et à l'image de votre collectivité. La Fondation des coops de l'information et le Soleil sont là pour assurer la pérennité de cette mission. Ensemble, nous garantissons une voix forte pour l'information locale de qualité. Votre soutien fait toute la différence. Visitez lefondation.lescoop.ca pour plus d'informations. En changeant pour Desjardins Assurances, vous pourriez économiser jusqu'à 550 $ en combinant vos assurances auto et habitation. Ah oui? Et ils ont de l'expérience. Plus de 80 ans. Ça change quoi? Bien, imaginez si votre mari jouait au quai tous les jours depuis 80 ans. Un 300e abat d'affilée pour Gilles, la machine, la botte! Ouais, c'est vrai qu'il devait être bon. Desjardins Assurances, c'est pas d'hier qu'on assure, et ça, ça rassure. Certaines conditions, exclusions et limitations peuvent s'appliquer. Entrepreneurs, ce message s'adresse à vous. Vous aimeriez faire de la pub sur les ondes du 98.9 Énergie au meilleur prix? Profitez de notre forfait des fêtes en vente le 4 novembre pour faire connaître votre entreprise. Appelez au 418-687-9900 ou contactez-nous par courriel à fpboucher@belmedia.ca pour connaître notre offre. Une partie des ventes sera remise au Centre de pédiatrie sociale de Québec. 98.9 Énergie. Au 98.9. Sur iHeartRadio. Yeah! À Québec. Le rock vit ici. Yeah! Plus de classiques. Plus de rock. Plus de fun. 98.9. Aujourd'hui de me sentir vivant et de pouvoir le dire haut et fort en criant. Ne plus jamais devoir rendre compte à autrui. Oui, aujourd'hui je dois prendre le contrôle de ma vie. Les dernières années furent riches de répétitions. On est au point où on se pose plus de questions. Spaghetti le lundi, recyclage le mercredi. Ben voyons donc, c'est quand même pas ça la vie. J'ai besoin aujourd'hui de me sentir vivant et de pouvoir le dire haut et fort en criant. Ne plus jamais devoir rendre compte à autrui. Oui, aujourd'hui je dois prendre le contrôle de ma vie. J'voudrais sortir de l'autoroute de la vie sérieuse pour prendre une traîne vers une vie plus radieuse. Me déresponsabiliser pour profiter de la vie avec les gens de qui je suis aimé. Si ce n'était pas de ma rencontre avec elle, tu fais qu'en sa présence mon cœur fait des étincelles. Ou qu'elle m'ait fait revoir mes priorités. Je foncerais sans doute dans un mur, la tête baissée. Je pourrais décrocher la